Budget 2015. Dépenses raisonnées et investissements. Dans le prolongement du débat d'orientation budgétaire qui a permis de dessiner la feuille de route de la ville pour le mandat 2014-2020, le projet de budget 2015 marque l'affirmation d'une politique volontariste dans un contexte extrêmement contraint. Nos recettes sont fragilisées par la diminution des dotations d'État, -4%, mais cette baisse est amortie par la modeste progression des produits des services, +1%, et de la dynamique des bases fiscales, +0,9%, décidée par le Parlement. Globalement, nos recettes diminuent donc de 1%. Les dépenses suivent une trajectoire identique aux recettes, avec une diminution attendue de 0,33%. Si les dépenses de personnel progressent de 1,3%, les charges à caractère général sont en retrait de 3,8%. Les frais financiers sont contenus et les subventions stabilisées. Cette évolution similaire des dépenses et des recettes permet de préserver notre autofinancement et d'assurer un niveau d'investissement élevé. Nous proposons un recours à l'emprunt pour poursuivre le financement du projet de l'espace Saint-Fiacre. Les orientations budgétaires permettent d'assurer nos principales politiques publiques: investir dans l'éducation et la jeunesse, affirmer la solidarité active et responsable, accompagner le monde associatif, construire la ville durable, devenir une collectivité éco-exemplaire, améliorer le cadre de vie et les équipements de proximité, moderniser l'espace structurant du parc Saint-Fiacre. Budget global de la ville, 18,6 millions d'euros, dont 12,9 millions d'euros de fonctionnement et 5,7 millions d'euros d'investissement. Action sociale, solidarité, santé. Budget, 1 810 000 euros. Fonctionnement, 1 800 000 euros. Investissement, 10 000 euros. Mettre en œuvre des actions de solidarité et d'accompagnement vers les personnes fragilisées par l'âge ou par tout autre facteur les plaçant dans une situation sociale difficile ou complexe. Jeunesse. Budget, 560 700 euros. Fonctionnement, 550 000 euros. Investissement, 10 700 euros. Assurer l'organisation ou le soutien d'actions en faveur des loisirs et de l'éducation de la jeunesse. Administration générale, sécurité et protection civile. Budget, 4 056 500 euros. Fonctionnement, 3 770 000 euros. Investissement, 286 500 euros. Fournir les ressources support nécessaires aux autres missions, financées dans la limite des compétences de la commune, la sécurité et la protection de la population. Culture et vie citoyenne. Budget, 2 500 000 euros. Fonctionnement, 700 000 euros. Investissement, 1 800 000 euros. Permettre le fonctionnement de la démocratie locale avec une ouverture des citoyens sur l'Europe et développer la culture en qualité d'élément du lien social. Enseignement, éducation. Budget, 2 350 000 euros. Fonctionnement, 2 100 000 euros. Investissement, 250 000 euros. Fournir les moyens matériels créant les conditions nécessaires à un enseignement primaire performant, tout en assurant des services communaux périscolaires accessibles et de qualité. Aménagements urbains. Budget 4 millions d'euros. Fonctionnement 2 millions d'euros. Investissement 2 millions d'euros. Mettre en place et entretenir les infrastructures urbaines nécessaires à la population résidente et à l'accueil de nouveaux habitants dans un environnement agréable et préservé. Emploi, commerce et artisanat. Budget 290 000 euros. Fonctionnement 180 000 euros. Investissement 110 000 euros. Au regard des compétences communales, favoriser le développement des commerces, de l'artisanat, pour répondre aux besoins de la population et générer indirectement de l'emploi. Pour illustrer ce budget, des dessins symbolisent les différentes compétences décrites précédemment.